ciel en gésine, un nuage crève et des gouttes d'or s'épandent sur moi. Je suis ivre mort, je suis plus qu'un roi. Je vis dans un rêve, je vis dans un rêve. Un chaud sirocco m'embrasse et m'enlève, il me prend au rein, me tord gémissant et plaque un baiser sur ma bouche en sang. Je vis dans un rêve, je vis dans un rêve. Je vis dans un rêve, je vis dans un rêve. Le corps décuplé regorge de sève. Je brosse inspiré des tableaux exquis. Griser mon esprit parcourt le maquis. Tes doigts sont crispés sur ma chair. En feu de l'aride grève, anéantissons nos cœurs en un seul. Que les rayons fous soient notre linceul. Et mourons en rêve, et mourons en rêve. Je sais qu'il faudra que l'instant s'achève. Contre moi, tes yeux dans mes yeux, pénétrons unis l'arcane des dieux. Vivons notre rêve.